tout carrément sur sa chenette. Ouais, ouais, je me dis cache, je suis là et piscine. Ouais, perpétre des homicides. Ouais, tu peux garder toutes tes salopes. Rien à voir avec mon missile. Ouais, on a les vrais bonhommes avec nous. Ouais, ceux qui suent de bite avec vous. Ouais, tous les hommes meurent, mais peuvent vivre vraiment au bout du cul. Qu'est-ce que je parle avec vous? T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre? Guerre, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort? Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas de rien. Mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. J'relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. J'vais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang, bang, bang, la crème, c'est wham. Pas de diplomatie, j'suis une racaille. Eh ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur billet sans couleur drapeau. T'as fait sans bip, moi sans braco. Dormi dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gens, leur nique, leur mère, et y'a quoi? Mon accord, je t'aide, commence par toi. Connard, je veux te voir te rentrer, tais-toi. Écoute et tais-toi. La sonde est bâtard. De moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé l'âge de faire des bâtards. Cousin, j'allume ta mère, j'rentre au placard. Du bif, du shit, une chatte au parloir. Pas d'eux qui me prennent de bâton par moi. Des milliers de lettres remplissent mon armoire. Des vrais qui me font que penser à moi. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tôt les gros, chez les gros. Seul pour la route et je roule sans rétro. Aimé par les pros, aimé par les gros. It's time to come true. It's time to come true. It's time to come true. Like never be. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre? Guerre, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort? Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas de rien. Mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. J'relève les comptes et tu dois des sous. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Non, mon cœur te mettra à genoux. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Passe tous dans leur mère, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. 1er septembre dans les bacs Corleone. Vous êtes au cœur d'une grosse demi-heure consacrée à la crime qui débarque dès lundi 20-21 dans Planète Rap et pendant 15 jours de la crime. Le voici aux côtés de Mysterio. La crime sur Skyrock. C'est la nocturne, le retour de la nocturne en direct. Ok, tu t'attaques à moi, ah ouais j'ai pas changé. J'fume toujours du cannabis, bois toujours du tétanisé. J'emmerde toujours la police, j'roule toujours pas au linger. J'marque mon territoire, j'pisse, j'suis venu pour te saccager. Ou t'attaques comme la crime, j'ai pas changé. J'fume toujours du cannabis, bois toujours du tétanisé. J'emmerde toujours la police, j'rends toujours pas au linger. Là j'marque mon territoire, j'pisse, j'suis venu pour te saccager. J'ai pris un otage de bus et j'l'ai toujours pas relâché. J'suis tordu sans cette de piste, j'représente Paris SG. J'ai bien planqué mon bif et j'dis à personne où il est caché. Grosse peine pour petit bébé. Ça donne pas trop envie de partager. J'ai vite appris que les choses n'avancent pas trop quand ils te mettent en cage. J'ai donc pris l'initiative de m'armer de patience pour faire du cash. Hey, oh, ils ont du courage, les frères qui dorment au cachot. Trois douches par semaine, chaque jour deux repassons. Le cauchemar d'un dollar, préfère le bonheur d'un charclos. Mandat cligné ou bien Isa. Y'a pas de la coke que nous charclons. On sponsorise ton visage. Un coussin avec trois Adidas. Une morsure, c'est Lacoste. Et si tu crèves, c'est Midas. À cette heure-ci, je lui fais. Je vois que la vodka me fait effet. Je suis arrivé en cœur cellulaire. Je suis ressorti du star en fait. Santé, je lève mon relevé. J'aime pas me taper. Je préfère j'lasser, j'suis venu pour tout saccager. Les petites salopes n'ont qu'à se cacher. Ok, vous t'attaques à moi, ah ouais j'ai pas changé. J'fume toujours du cannabis, bois toujours du tétanisé. J'emmerde toujours la police, j'rends toujours pas au linger. J'marque mon territoire, j'pisse, j'suis venu pour tout saccager. Vous t'attaques comme la crime, j'ai pas changé. J'fume toujours du cannabis, bois toujours du tétanisé. J'emmerde toujours la police, j'rends toujours pas au linger. Là j'marque mon territoire, j'pisse, j'suis venu pour tout saccager. Pousse ta bouteille, j'fais monter la température. En paieras-tu le prix quand tu seras dans le coffre de ma voiture? Oui, vois-tu, j'ai du taf avant ce week-end. Ne parlez pas de vos pétasses. Moi, je suis la pute à l'enfroquette. Pourquoi faire du social? Tu parlais, je t'handicap. En plus, l'état, ce petit bâtard, il voit le diable dans sa handicap. Mon âme, la haine, j'ai placé beaucoup d'espoir. La devise, tu viens à poil, tu repars dans un couple espoir. Oui,

c'est la Nocturne 100% rap français. C'est le retour de la Nocturne le vendredi soir. Vos messages 41759 avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Crime sur Skyrock. Corleone débarque le 1er septembre. On écoutait Pronto à l'instant dans la Nocturne. On va repartir sur un son de La Crime et Ice LMC, Dolce Vita, ça arrive dans un instant. Si vous avez des sons préférés de La Crime, balancez-les encore là pendant une grosse dizaine de minutes. Rap français 100% explicit lyrics. La Nocturne. Je vole l'état, je m'en bats les couilles qu'il me qualifie. Clave à 9 o'clock, je récupère à 3 du mat, on baise. Grave, j'ai pas le permis de port d'armes. Grande brigade dans mon ADN. Grosse équipe, la tienne est rodave. Y'a que des schlacs qui font ta PN. Tu n'es qu'un menteur, tu fais que dalle. Tu grattes le cul des glandeurs. Splendeur, j'envoie de la frappe top, on sait Mark Landers. Je m'accroche à mon âme. Dis-moi ce qu'ils la veulent. On aurait vu le monde entier, même si on avait été aveugle. Voyons, y'a pas d'hôtel libre. Kelly, Belly. J'ai le coup de train de Balotelli. On ne sait faire que des télés. Nous ne sommes pas trop aimables. Tu veux clasher ta mère, ce sera la béquille du T-Max. En pleine après, il y a des choses qu'on fait d'abord et qu'on dit après. Je m'apprête à faire du vacarme. La pute veut mettre au placard. Miroir, dis-moi qui sont les vrais. Dis-moi, dis-moi qui sont les bâtards. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua, Venissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On sent une italienne, culture italienne. C'est un modèle italien, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua, Venissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On sent une italienne, culture italienne. C'est un modèle italien, c'est un braquage à l'italienne. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais le diable vend de la poussière d'ange. En volant d'un Range Rover de location, je veux la Dolce Vita, je suis venu prendre ma revanche. Bad bitch, t'as le nez dans la blanche porcelaine. De nos textes, les faussaires se mêlent. L'imitation reste la plus sincère des flatteries. T'auras pas le style de La Crime ou Ice LM. Harceler trop de femelles dans la même semaine. Un seul Europe, on ne peut trouver le sommeil. Arsenal de guerre, on arrive en mercenaire. On n'est pas des étoiles, on les laisse au système solaire. Insolent, je ne regrette pas le passé. Juste le temps perdu lorsque dur sont les mœurs, y'a rien à brasser. L'espoir perpétue, je suis perturbé. La patience, c'est la meilleure des vertus. Pour des tagliatelles al dente, c'est un braquage à l'italienne. Usimili que de mini, y'aura pas de Bentley. Mieux vaut un ennemi qu'un ami qui m'envie. Si j'ai la Dolce Vita couvert de Gucci, certains rêveront que je perde mon level. Que les keufs me soulèvent, qu'on me termine en ville. Ma pétaille, c'est vêtu de Dolce. Yeux verts, ici du Vésuve. Elle m'appelle Marcello Ice. Elle ignore que c'est à l'oseille que ma vie se résume. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua, Bellissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On soit tout italien. Perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua, Bellissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On soit tout italien. On lave toutes nos affaires avec du sang. Plus de 100 clients dans la carte SIM. De la putain d'MD dans les boîtes à pizza. Le rap game promat, on marque le cycle. On s'empare du pactole, ciao, buena sera. De la sella dans les avions, dans les chattes, dans les narines, on échappe au bleu marine. Déjà venu des mecs de Paris. Veni qua bellissima, j'escote Federico Fellini. Rien ne sert de faire ton cinéma, vu que le film ne va durer qu'une nuit. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua bellissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On soit tu italien. Culture italienne, c'est un modèle italien, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veni qua, Bellissima. Isaac Crime le cache, tout est vital. On soit culture italienne, culture italienne, c'est un modèle italien, c'est un braquage à l'italienne.

9-2, 9-4 énervé, rôde bien ses numéros. T'as une fiche, passe me voir, j'ai des papiers pour 1000 euros. Je te suivrai jusqu'à la mort, négro, crois-moi que tu vas raquer. Rien à foutre que tu sois stop, moi même Gérard est baraqué. Ne viens pas tester les hautes scènes, tu vas te prendre une raclée. Voilà tout comme ta raclée, rouillard, tu seras réglé. Omenia, Madouna, Bango, en fait, Balinjinini. Mon flow, kin flow, pique, doulou comme du Billy Billy. Patate sur le mur du son, c'est comme ça qu'on les punit. Je vais percer la roue des longs comme le zen de Carbachouli. J'étais à sa calaise, à l'aise, bouteille de sirop à l'aise. On part sur Périphalaise, comme dirait mes poteaux de Belgique à l'aise, à l'aise. Tu sors du placard à l'aise, à l'aise. Des boutons seraient à l'aise, à l'aise. C'est une promenade à l'aise, comme Cristiano sur terre des ralais, à l'aise. C'était une beuvre à l'aise, à l'aise. Gros Massoko à l'aise, à l'aise. Gros Xez à l'aise, Facebook, Twitter, Instagram à l'aise, à l'aise. T'es un rage à l'aise, à l'aise. T'es une meuf qui à l'aise, à l'aise. Snapchat à l'aise, ramène une grosse pointe pour tu ça à l'aise. Transit du port, du Havre, alléluia, j'touche du marbre. J'veux que ma mise porte le voile, le permis porte-arme. Descendant d'esclave, futur roi, celle qu'au Dalmas j'écharpe. J'les veux toutes pour moi, I en calmé, calibré, cagoulé. C'est marrant de savoir que vendre la neige fait bronzer au soleil. Représentant attitré, j'me présente même hâte. À ce gros pas quand je tire un trait, il est jamais trop tard. Merde, on a bicrap la CC, on a bicrap du béto, on a roulé en fêté, on a roulé en lambeau, on croirait en maison de disque, mais non c'est dosé crato, dosé crato. Je pas trop Messi, je suis plus Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Tu nous trouveras au de blé en période de Valka, de Valka. J'ai plus le temps pour teaser, j'ralade, je baisse, me casse, je me casse. Une pourcelle ou malin, MT Bandito. Persuadé que plus y'aura de thunes, plus y'aura cliché. Posé au quartier à l'aise, à l'aise. Ça monte au bon chat à l'aise, à l'aise. Ma gueule de vodka à l'aise. Au volant d'un gros gamos à l'aise, à l'aise. Levé en T-Max à l'aise, à l'aise. Des bits de Tosma à l'aise, à l'aise. Ça fume sa chicha à l'aise. Entouré que d'avions de chasse à l'aise, à l'aise. Ça fait haute couture à l'aise, à l'aise. Mes beurs, mes renois à l'aise, à l'aise. Séance de massage à l'aise. Même armé en gauvage reste à l'aise, à l'aise. Tout sur un braco à l'aise, à l'aise. Ça fait des euros à l'aise, à l'aise. Ça gère les mistos à l'aise. Dans cette cause Kennedy à l'aise, à l'aise. J'suis rare ces derniers temps, plus de GAV que de concert. J'ai une date pour mon jugement, j'ai pas de date pour mon projet. Petit, me manque pas de respect, je te nique ta mère devant ton père. Je manque à putain de rap français comme feu Brahms, manque au concept. J'aurais dû naître à LA, ATL ou Harlem. J'aurais signé chez Lil Wayne ou Gucci Mane à la Warlem. Du 9-4 au 9-2, on sait qui sont les vrais. Je t'en colle une entre les deux yeux, ensuite bouffe un grec à l'Everest. Je transforme les billets rouges en billets verts. Elle m'a vu sur M6, je suis le rappeur qu'elle préfère. Elle kiffe mon gros fer, j'kiffe ses grosses fesses. Ce soir je la baise à l'hôtel, ce soir je la baise à l'hôtel. J'ai une ficelle sur ma tasse, un élastique sur ma liasse. Depuis que je fais la zipette, les polos se suivent à la trace. Le but c'est de faire du cash, le claquer avant de crever. Si c'est vous la relève, le rap est pas prêt de se relever. Lunettes de soleil à l'aise, à l'aise. J'fais de l'oseille à l'aise, à l'aise. Galerie Lafayette, Jojo Zanotti à l'aise, à l'aise. J'rentre en boîte à l'aise, à l'aise. Mathusalem à l'aise, à l'aise. En équipe dans le carré VIP, prends des 06 à l'aise, à l'aise. Parc des Princes à l'aise, à l'aise. Présidentiel à l'aise, à l'aise. Bagage élevé à l'aise. Vol en première classe à l'aise, à l'aise. Dakar City à l'aise, à l'aise. J'suis au bord à la mer, à l'aise. Si t'es bonne j'te paye le billet, viens j'te mets à l'aise, à l'aise. C'est la nocturne à l'aise. Dame 16 avec Cozy et Kennedy dans la nocturne 100% rap français. Et là on va écouter Crix maintenant, les messages 41759, le hashtag c'est Skyrock, ça arrive dans le studio. Planète rap, 100% rap français. Crix au mic en 2001, j'en mes premiers sons. J'écrivais dans ma chambre, j'posais mes sons à la maison. Tout le monde se moquait, mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi, oui négro, j'ai pris sur moi. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai bossé comme un chinois. Jamais le genou à terre, 25 sont tous les 6 mois. Ma motivation n'avait pas de prix, j'ai appris. Dans le noir, un talent en or, ça a pris. Ma